Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils gueulent tous comme des porcs, il se passe quelque chose d'important. Est-ce que quelqu'un est mort? Ou est-ce qu'on va tous crever? Où est le météore? Y avait du foot à la télé. Je me dis, est-ce que tout cela est normal? Cet étalage de joie pour du football. Ou alors, sortant de mon antre, je me dis, mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on aurait enfin trouvé le vaccin du sida? Est-ce que la paix serait faite du côté du Proche-Orient? Est-ce qu'enfin on arrête de prostituer les enfants? Est-ce que nos gouvernants deviendraient honnêtes? La misère serait-elle la préoccupation première de notre pays, du peuple et de ses esthètes? Jésus serait-il enfin de retour sur terre? Cela est-il bien normal? Cet étalage de joie pour du football. J'en ai vu pleurer, j'en ai vu vomir, j'en entends gueuler de joie et moi je peux pas dormir. Mais je me dis T-Mix, apprends la tolérance, pour une fois que tout le monde s'aime dans notre jolie France. J'en ai vu prier pour la phase finale, j'en ai vu déjà s'inquiéter des lettres d'origine ritale. J'ai même vu des connasses oublier qu'elles étaient connes, mais dans quelques jours la masse n'aimera plus personne. Cela est-il bien normal? Cet étalage de joie pour du football. La nuit sera longue et chaude comme la braise. Chantons tous en cœur notre fierté, la Marseillaise. Merci à toi mon Dieu, Zidane le Tout-Puissant. C'eût été encore mieux si tu t'étais appelé Durand. Mais là, vive le métissage quand nous sommes gagnants. Peu importe l'origine, votre nom scandé par la foule. Car en cas de victoire, vous êtes des dieux vivants. Et en cas de défaite, vous redeviendrez des bouillons. Car tu sais, en France, on est comme ça. On passe de la transe à la haine si tu ne marques pas.